والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ رحمه الله voici l'évidence concernant ces trois types d'adoration cités par Allah dans le Saint-Coran. Ils étaient points dans la bienfaisance et nous appelaient et nous invoquaient avec aspiration et crainte et nous rendaient révérence avec résignation et humilité. Surat 21, verset 90. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون يكونكورات si vous voulez à faire le, à accomplir le bien fait, à accomplir le bon job, et ويدعوننا nous invoquer, nous appeler ورغبا, entre parenthèses رغبا, il a traduit par aspiration ورهبا, وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ. Et ils étaient خَاسِعِينَ. خَاسِعِينَ, on va expliquer رَغْبَة, on va expliquer رَغْبَة, et on va expliquer خَاسِعِينَ. رَغْبَة, رَغْبَة, c'est un acte du cœur, l'aspiration si vous voulez. C'est l'aspiration du cœur avec humilité. C'est un degré de quoi? C'est un degré de l'espoir. C'est un degré de raja. De raja, il y a différentes sortes de raja, d'espoir. Dans l'aspiration, et bien. Et de même, on va parler de la force. Donc, c'est un degré, c'est une ramification aussi de l'amour. Quand on aime, donc, avec l'amour, il y a l'espoir de rencontrer le bien aimé. Donc, rarda. Donc, il y a l'amour avec. Donc, c'est une branche de l'amour. D'accord? Il y a l'amour avec ses branches, et il y a la branche avec ses branches. Donc, l'amour, un amour, en plus de cet amour, il y a la recherche, l'insistance dans la demande pour atteindre le bien. C'est ce qu'on appelle rarba. C'est un espoir qui est assez intense. Et rarba, c'est aussi un acte du cœur. C'est le contraire de rarba. C'est le contraire rarba, et ça fait partie de la peur. Rarba, ça fait partie du désir, de l'aspiration, de l'espoir. Donc, rarda, c'est courir vers le bien-aimé. Rarda, c'est fuir la chose qui se préfère. D'accord? Concernant les créatures, c'est comme un serpent qui est ici, mais c'est un serpent qui est. Rarda, courir vers le bien-aimé, sur les causes et tout, quand quelqu'un aime ici, il fait les causes, il est une heure devant son miroir, il écrit des lettres, peut-être qu'il va devenir poète, grand papa. Donc il fait le corps, il sort pour atteindre le bien. C'est rarda. Et rarda, c'est la peur. Il est mis en mouvement. C'est réussit en mouvement. Ça veut dire peur, mais en même temps, fuir, courir. Fuir, c'est ce qui t'a fait peur. D'accord? Parce que la peur, il y a des états. Il y a le moment où tu ne peux plus, tu ne peux pas bouger. Il y a le moment où tu peux sauter et courir. Donc, c'est différent de ce de faire. Donc, il y a une bonne chose au contraire. C'est une chose liée avec, liée à un mouvement. Parce que, ra-ha-ga et ha-ra-ga ont les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Il y a ha, il y a ra, ha-ga. Et Harada, c'est aussi, il y a Ra et dans le même lot. Et ils ont en commun autre chose. Ils ont en commun les autres, ils ont en commun le fait de courir. Harada, ça veut dire courir. Et Rahada, ça veut dire avoir la paix avec la vie, avec un mouvement. D'accord? Ça, c'est le détail, si vous voulez. C'est un peu loin dans la Harada, mais j'ai bien voulu vous faire partager. Donc, avec l'intention de fuir. Et c'est pour ça qu'Allah s'est adressé au fils d'Israël quand il a dit wa iyaya farhadoun. Il a dit et ayez la rahba envers moi. Pas ayez peur de moi. Pas ayez la crainte. Ayez la rahba. Parce que le fils d'Israël, il ne se soumet que si vraiment ils sont mis à des épreuves que si vraiment il y a des signes ou. Quand Allah il a levé la montagne et suivi pour qu'ils tiennent à leur engagement. Donc, ça ne leur suffit pas qu'ils le fassent faire. Il faut qu'ils poussent la terre vers, qu'ils poussent la terre vers le degré de Rahba, jusqu'au degré de Rahba. Ya Bani Israël, Sura Ni'amati allati an'amtu alaykum, wa awfu bi'ahdi awfu bi'ahdikum, wa iyaya farhadoun. Au fils d'Israël, un enfant d'Israël, rappelez-vous mon bien que dans vos vivres tremblés, si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez avoir la rahata. Bien sûr qu'on va le traduire, c'est moi que vous redoutez, vous n'avez pas compris ça. Mais la rahata, parce que fils d'Israël, il faut vraiment un degré, un degré pour qu'il se soumette à la rahata. Alors, il dit dans le Arab, وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. Imaginez, tout mental de tendre de pierre, de tendre de matière sur la terre. Et lorsque nous avons grandi, activé le mont comme si était une ombrelle, comme si c'était là. Il pensait qu'il allait tant déchirer tout le fermement à ce que nous vous donnons et rappelons. Et rappelez-vous son contenu, peut-être prendre voile. Dans la montagne aussi vite pour qu'ils tiennent leur engagement envers Allah, parce que dans la surat, Allah doit rester la bulle et la surate. Le Baqara, il dit, il y a un peu de âge, tenez-vous à vos engagements. Un peu de âge, dit-il, je tiendrai le nom, la iyaya, et envers moi, aïe la rahba. Et pour que vous ayez la rahba, Allah a élevé le mont, la montagne oxydée, comme si c'était une ombrelle aussi, pour qu'ils tiennent leur engagement. Ça, c'est concernant Rahba. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le Haïba. Il y a le Haïba, c'est une terre mélangée avec de la vénération et des degrés. Ça, c'est dans l'explication de la Haïba. Maintenant, il a évoqué un autre acte du cœur. Il a évoqué Rahba, qui est un acte du cœur, qui est une adoration qu'on doit adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, et la Rahba aussi, qui est un acte du cœur qui doit être adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a dit, c'est Khoutouya. Le Khoutouya, c'est à se limiter avec concentration, si vous voulez. Je n'arrive pas à traduire vraiment, mais c'est une humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, mélangée avec de la vénération et le respect. Avec, il y a la vénération et le respect. Parce qu'on distingue le futur de le futur du corps, des membres, le futur du corps, le futur de la langue, ou de la voix. Allah, il dit qu'on est à la concernant le futur des voix. Le futur, l'humilité, si vous voulez, cette humilité mélangée avec de la vénération, il l'a attribué aux voix. Il dit qu'on est à la يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن. الله يقول انه toujours là, parlant du jour dernier, toujours là, ils suivront le convocateur sans persuasivité et le voient s'abaisseront, comme ils l'ont traduit, et le voient en le retour devant le Tout-Miséricordieux, devant le Rahman, et le voient s'abaisseront, ils se baisseront devant le Tout-Miséricordieux. La voix a le futur. Il y a, c'est ça, il est attribué à la voix. Et la suite du verset qui m'entendra à l'heure, sans qu'il soit sinon qu'à la tête marée, c'est le Hamza. Donc, voilà. Explicitement. Il y a un futur, il y a déjà. Et, les savants aussi, ils ont distingué aussi le futur de sens et de nombre dans le verset où il y a Hakaati, et Hakaatan Azatarim, donc pour la même, les regards seront khashi'a, les regards seront de futur, seront abaissés comme ils l'ont traduit, et l'avilissement les couvrira, farhaqhum zillah, donc pour la 68 et les versets 43. Et il y a ce qu'on appelle une fenêtre qui fait partie du futur. La qawmu lillahi khanitin, donc pour la al-Baqara. Soyez assidus au salat et la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité, avec prudence, avec confiance. Donc, ce côté-là, il est attribué au cœur. Ça, c'est le cœur, donc le cœur Le cœur, il est serein, le cœur est calme, le cœur est sans mouvement. D'accord. Donc ça, c'est le chesed. Le chesed du cœur, c'est pas évoqué très rapidement. Ce qu'il a dit, ils étaient prêts dans la bienfaisance, et nous appelaient, et nous invoquaient avec aspiration et grâce, et nous rendaient révérence avec résignation et humilité, et nous rendaient révérence avec soutien, et avec le soutien. C'est ça, nous l'avons pas pris, et avec le soutien, en vain. Donc, la rahba, le soutien, c'est des adorations qui nous doivent être adressées par la communauté. Donc, l'abaissement de Dieu, de se sentir avec toute humilité, ça ne doit être adressé par la communauté. Si la personne s'adresse à un imam ou un fils ou à un gouverneur courant, il baisse les yeux devant lui, marche doucement, il est concentré, ça c'est une sorte d'application. Il a égalé cet homme-là, cette créature, avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'acte du cœur qui est recueilli. Ou qui est rahba, qui est rahba. Donc, relâchez une chose. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de deux en même temps. Il nous a invoqués avec inspiration et crainte. Espoir et crainte. Donc, il a mis les deux. Parce que normalement, quand on a la rahba, on a l'espoir, l'aspiration, normalement c'est le cœur pour atteindre le bien aimé. Et quand on a la rahba, la peur, on le suit. Maintenant, les amis, les deux, Inch'Allah, lui, celui seul quand on le prend, on court vers lui. Quand on le prend, quand on prend son sentiment, on espère le voir. On espère sa miséricorde. Quand on le prend, on court. Ça court, c'est l'Allah, comme il a dit dans une histoire. Vous le verrez là, vers lui. Ce n'est pas le sûr. Comme dans beaucoup de hadiths. Comme dans le hadith, par exemple, du Prophète, là, il m'a une assentiment qui est laïque. Ça veut dire qu'il a dit, il a eu sa faute, c'est Amr et laïque. Rahbatan, ou Rahbatan min. Les deux. La manja'a, ou la manja'a minka illa ilaïque. Là, il dit, le Prophète, c'est le même hadith qu'on appelle ça, ceux qui habitent, qui sont d'or, et ceux qui sont à là, vous les trouvez dans Seigneur Allah, j'ai abandonné mon nom à toi, j'ai tourné mon visage vers toi, et j'ai choisi Ilaïs, je me suis remis à toi, je me dévoue à toi par crainte et espoir, l'arbatan et l'arbatan Ilaïs, nul refus contre toi, ailleurs, contre de toi, la main de Anita, Illa Ilaïs. Nul refus de contre toi, ailleurs, contre de toi. Subhanallah. Je le crois et je le refuse vers lui. Rahba et rahba. La crainte et l'expiration, la crainte et l'espoir. La suite de Hadith, je suis attendu que tu as fait descendre à ton prophète, que tu as suscité, à tout rapporté par les deux, Sahab, de Paris, et un Muslim, et dans un autre Hadith, la Ma'in al-Aldou, de Rebaata, min Sahakus, et de Ma'ata, si tu as mené à ta Jatik, et de ta Minita, car si tu as mené à ta Jatik, tu as mené à ta Jatik, Seigneur Allah, je me mets toute ta protection, sous la protection de ta satisfaction, contre ta colère, sous la protection de ton pardon, contre ton châtiment, et sous ta protection contre toi-même. Donc Allah, lui, quand on le prend, on va vers lui, on court vers lui, on cherche refuge auprès de lui, en un état. C'est clair, la Hidat al-Sunnah, ce sera le dogme du vent de la Sunnah ou al-Jamara concernant les actes du cœur. Parce que ce qui dévie, si la personne dévie dans les actes du cœur, il dévie dans les actes du cœur. C'est clair, ça se manifeste à l'extérieur. Prendre Allah sur le côté. C'est-à-dire aimer, l'aimer, faire les œuvres, faire ce qu'il qui veut. Quand il y a quelqu'un qui va lui ramener le cadeau qui lui plaît. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il aime le plus ? Et on a taqarrada ilayya 'abdi, bi-shay'in ahabba ilayya min yusarrifu 'alayh. Mon serviteur ne s'est pas pressé de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai obligé, que ce que je lui ai recommandé. La première obligation, c'est qu'il doit célébrer le monothéisme, il doit m'adorer moi l'unique. Dit subhanahu wa ta'ala. D'accord. et après les autres figures, la salade et les autres gens. C'est ce qu'il aime le plus. Donc l'amour, il doit se manifester par un acte. Et non pas aimer toutes les créatures, et ça se manifester par des actes, parce qu'ils sont les croyants de saint rentrés dans le pays du musulman. Il y avait des sœurs, des imams, des cuisines, des gens, c'est de. C'est aimer toutes les créatures, laisser les rentrer. Parce que si on décrit vraiment la suite de n'importe empire ou n'importe quel pays musulman que le croisé et le colon sont rentrés, c'est à cause de la déviation dans la rue, dans le bas. Donc ça commence par les actes. Pourtant, on dit, nous, on va adorer Allah, mais on ne va pas se rendre son affaire. On ne va pas espérer son paradis. Quand il va prédire à une femme qui s'appelle Rabi al-Adawiya. Il y a beaucoup de paroles qui lui a prédit ce qui dit ce qu'il dit. Il dit, oh Allah, je t'adore, si tu t'adores par trop, je t'en enfer, brûle-moi avec ce cancer, avec ce feu-là. Et si tu t'adores par désir et par espoir de ton paradis, alors brûle-moi de ton paradis. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'adore parce que je t'aime. Ça, c'est la déviation de l'amour, la déviation d'un rahba, la déviation d'un rahba. Déviation. Et la déviée, c'est ce qu'on appelle le dépassement de l'extrême. Il a dépassé l'extrême dans ses adorations. Et il ressemble au prochain. Si on dévie aussi dans la même chose, si on râle aussi bien. Et il y a d'autres qui vont, Abdelrahim Nabil Tissa, ils sont aussi ce vers, ils sont ces paroles. Il dit celui qui adore Allah avec la crainte de son enfer, c'est comme s'il adore l'enfer. Et celui qui adore Allah avec l'espoir d'être au paradis, c'est comme s'il adore une idole. Et le sens là, dans le monde, dans le sens du prophète là, ils sont mieux que le prophète, hein. Parce que là, il parle du prophète Zacharie, alayhi salam. Le Zacharie, il vient de Rabdahu, Rabdila Tzarni Farda, wa Anta Khayrul Wariqin. Et Zacharie, quand il appellera son Seigneur, nous ne laisse pas seul Seigneur, Seigneur à la situation le meilleur de vérité. Zacharie n'avait pas d'enfant à l'époque. إلى أن يكون على سبحانه وتعالى. استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. نريد أن يبنى يحيى ويغندي سكوند كاسان. Il votait point dans la bienfaisance. Il concourait, c'est bien, c'est à la bienfaisance. Et il nous invoquait avec Rabat, avec aspiration et crainte. Ça, c'est Zacharie. Qui est un des prophètes, Zachia, qui est un des prophètes, qui ont le plus haut degré, ils vont gérer Allah avec crainte, avec espoir et crainte. Là, une communauté est venue, après, le premier siècle, ils ont dit, nous, on ne va pas adorer Allah, ni en adorant Allah, ni avec la crainte, ni avec l'espoir. Ça, c'est une déviation. Et ils se prétendent être mieux que les prophètes. Mais c'est le prophète de la semaine, le meilleur être humain. Allah, il dit dans Surat Al-An'am, dans Surat 6, le verset 5, « Dis je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. »« Qu'il inni akhafu, in ataytu rabbi, adaba yawmin azim. » Le prophète Allah, l'envoyé d'Allah, il craint l'enfer. Cette femme, c'est Al-Ghal al-Nabouti, avec sa fille, avec une maladie, avec tout ce qui est devenu, je dis la voix de Abdallah, ils disent, nous adorons Allah, pas par la crainte, ni par la crainte, ni par l'espoir. Il faut l'adorer avec la crainte et l'espoir. Il est vrai que, rahimah Allah, qu'on appelle le khashya, ou d'alil le khashya, qu'aulahu ta'ala, fala takhshawhum, wa khshawni, إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا مخشون ولا فلا تتخذوا سورة البقرة ولا تخشوا من ويتم نعمة عليكم ولعلكم تهتدون إذا سورة المائدة فلا تخشوا مخشون إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا مخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا من سورة المائدة أي premier mois, même le premier pas et le premier mois, n'acceptent pas et nous vont dépendre des affaires. C'est la partie où nous sommes. C'est la partie où nous sommes, les Galiles n'ont pas, où nous n'avons aucune appréhension face à Dieu, mais à une la face envers moi. Et résultat. Donc, le tracé, c'est une fois. C'est un vrai, c'est un degré. Un des tracés, un des tracés, un des rabats, un des rabats, un des lèvres, un des tout tracés. Le tracé, c'est un degré de la foi. C'est une ramification de la foi. Tracé. Quelle est la différence entre le tracé et le tracé et la foi? C'est que le tracé, elle est liée à la connaissance. C'est une foi. Et on ajoute à ce fait l'âme, la connaissance. Et c'est pour ça qu'Allah a attribué le khashya au fard. Il n'y en a pas Allah à l'ibadihi, l'ulama. Oui, comme le savant en la khashya, d'Allah dans la sourate 35 et le verset 26. Allah n'a pas dit, ils ont la peur, ils ont la khashya, c'est un degré élevé. C'est une khashya, c'est une peur liée à la science, à la connaissance. Parce que c'est lui qui a peur. Celui qui a peur, il va fuir le côté. Il sait qu'il sera interrogé, il sait qu'il va rendre, il sera interrogé sur son vie, sur sa vie, sur ce qu'il dit, sur ses gestes, sur ce qui est comment va être comment, sur lui, sa faveur, ou contre lui. Donc, il va fuir. Mais celui qui a la pression, il a un avantage. Il a un avantage, c'est qu'il se protège par la science. Il se protège par la haine. Donc, c'est comme s'il est en train de, il sort, il connaît le détail, il a peur de ressemblance de ce qu'il y a entre l'illicite et l'illicite. Il sort, il a peur, il a tellement cette peur, qu'il sort, parce que ça c'est aimé par Allah, aimé par Allah. D'accord? Et c'est ça, ça peut mener en enfer, parce que ça peut nous différencier. Ça. Donc, avec cette connaissance, il a un degré plus élevé que juste la science qu'il sort. La peur, c'est pour les courants des gens, la passion pour les femmes. Le savoir que ce qu'il fait seulement la peur, qu'il bâtit, qu'il est en train de construire une forteresse entre lui, du refus. Parce que quand les hommes, les murs, dans les liens, ils sont directement dans le refus. Dans son refus. Il rentre, il ouvre la porte de sa forteresse, de sa maison, il s'enferme. Il bâtit des maisons. Il bâtit. Les maisons, les murs sont les limites dans leur train mental. Il faut qu'il bataille et transgresser. Lui, celui qui a la peur, il n'a pas la connaissance, donc par ignorance, il va transgresser sans savoir. Et celui qui a la peur, il a la peur, et la peur, il est lié à un mouvement. Donc il va fuir l'ennemi, il peut être pris, il peut être attrapé. Mais le savant, non, il a la forteresse. Il va se cacher, il va s'enfermer. D'accord? C'est ça la différence. Donc le savant, je dis, c'est un petit chien. La patience. Dans les deux sahas, le Bukhari et le Muslim, selon Anas, c'est très important pour en dire que les femmes du prophète Rasulallah pour les interroger sur la façon dont le prophète Rasulallah adorait Allah. Et quand ils ont un interroge, cela leur sembla un peu leur paraître à peu. Ils ont dit que c'est dérisoire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit dans tout son nom, par rapport au prophète Sallam, alors qu'Allah lui a déjà pardonné, ils ont dit qu'ils sont mis par rapport au prophète Sallam. En fait, Allah déjà lui a pardonné, ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah lui a pardonné tout ce que c'est. Passé et futur. Et ils ont dit qu'à son prophète Sallam a un degré qui est devenu et tout. Et l'un d'eux, ce qu'il a dit, il a dit très souvent, moi pour ma part, je m'engage toujours à passer toutes les nuits en prière. Toutes les nuits, je les passe en prière. Parce qu'ils ont, ils ont diminué de la valeur de l'adoration du prophète Mahomet. Ils l'ont sous-estimé, si vous voulez. Ils l'ont sous-estimé. Et l'autre, il a dit, moi, je m'engage à jeûner sans interruption, toute ma vie. Et le troisième a dit, moi, ça y est, je m'engage à ne jamais me marier. À ne jamais me marier. Et ce prophète même quand il est venu, les appela, il a dit, est-ce bien vous? Il avait dit ceci et cela, et puis il a dit en vérité, par Allah, j'ai la grâce d'Allah plus que vous. Et lui, en chacun, l'Illah, et il a un alamé comme d'Illah, l'a acheté d'Illah et chacun. Dans une autre version, je suis le plus connaisseur d'Allah et j'ai la plus grande propre envers Allah. À chaque fois, puisque lui, il connaît plus que nous. Il a plus sa révélation que nous, il a dit beaucoup de choses. Et il a dit, et j'ai la patrie plus que vous, j'ai la crainte, je l'ai pas plus que vous. J'ai la patrie plus que tout ça, plus que vous, et j'ai la crainte, si vous voulez, la patrie plus que vous, mais je donne un temps et je mange un maître. Je prie une partie de la nuit et j'en dors une autre. Je pousse le temps et celui qui se détourne de ma femme de ma voix ne pas de ma communauté. Ça m'a rendu dans un film aussi pour les familles. Je dors et je prie une partie de la nuit. Je pousse le temps. Et celui qui se détourne de ma voix ne fait pas partie de ma communauté. Donc, je ne pense pas à la vraie adoration de se priver de manger ou quoi que ce soit. Il faut être dans le milieu, dans la voie d'Allah, ne pas dévier dans le front et ne pas aller se faire distancer des obligations. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le montre, qu'il est le plus connaisseur d'Allah, il a dit, si vous savez ce que je fais, vous ririez certainement peu et vous pleureriez certainement beaucoup. Parce qu'il a vu, il a vu le paradis, il a vu le monde de l'au-delà, il a vu les gens subir les châtiments. Il connaît la valeur, il connaît la France. Il a été élevé de lui, savoir le voile qui est entre lui et Allah. Il a vu tout le monde par Allah, il a aussi une fatigue. Donc il est le plus connaisseur, et c'est pour ça qu'il a dit, si vous savez ce que je fais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Du connaisseur et qui a la plus grande pratique dans la Sanatane. Dans un autre dalil, le dalil l'inaba qui qu'aulehu ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimuna. Offrez votre inaba. Maintenant, il parle de l'inaba. Donc, il a parlé de l'inaba. Maintenant, il parle de ce qu'on appelle le repentir. Mais le repentir, c'est un inaba, le terme inaba, qu'on va en parler, on va l'expliquer. J'ai évoqué le verset du Coran. Offrez votre repentir à votre Seigneur et soyez soumis à lui avant que nous vivions le châtiment, car alors vous ne serez pas secourus. Dans la sourate 39, c'est le verset 73. Al-Inaba, offrez votre Inaba à Allah, à votre Seigneur. Inaba, ça veut dire en langue arabe, on dit Inaba, c'est le tour. Tour de Satan, Satan, c'est un tour. D'accord, c'est quelque chose. Donc, Naïda. Et il vient aussi de Naïda. C'est le jour dur. La Naïda, Naïd. Naïd, le pluriel. Naïd, ça veut dire le jour dur. Le jour où il y a des catastrophes, le jour où il y a des maladies. Et il vient du Naïda parce qu'il revient. La maladie, donc, la personne est guérie, mais après un certain temps, la maladie revient. Donc, retour. Donc, revenez à Allah. Revenez à Allah en repentir. Parce que l'inaba, ça veut dire le repentir, plus revenir avec humilité et soumission. D'accord? Revenir avec humilité et soumission. En inaba. C'est revenir à Allah en repentir. Retour. C'est ce que nous avons dit. Normalement, quand on dit retour, le retour, ça prend un détour. N'est-ce pas? C'est la première, c'est la première fois qu'il est venu, je ne vais pas lui dire qu'il est retourné vers moi. Je ne veux pas parce que c'était pas ici l'endroit où il était, c'était pas le départ, c'était pas son départ. C'est pour qu'il parte d'ici, il revient pour que je lui dise, retourne. Et maintenant là, il dit revenez, revenez à repentir. Pourquoi? Parce qu'il était musulman. Il est musulman, il est musulman, la Qatar, il est musulman. Hein, tous les mauludins, j'en ai mauludin, il est là, il est là, il est là, il est là, il est né, selon la Qatar, entre parenthèses, du martyr. Mais c'est son séparant qui le rende chrétien ou juif ou mal. Donc c'est ses parents qui transforme, qui encasse ce qui sera. Et le prophète Allah n'a pas dit, il le rend musulman, parce qu'il est né musulman. Donc la pétrole, c'est pas un état neutre, c'est pas un bon vide en Europe, dit par n'importe quoi, par l'eau, par l'eau, par l'eau, par non. La pétrole, c'est ce qui est dans notre cœur, elle est une nature, la nature originelle est située sur l'islam, et est remplie par l'islam. Et ce n'est pas créé sur l'islam, comme le éduqué, qui est etc., il est incassé. D'accord ? Il est né musulman, mouakhid. Ça veut dire que s'il n'a pas reçu l'influence de la société, de l'influence du kuffar et tout, il va reconnaître Allah, qui est le créateur, et il va reconnaître que c'est lui qui est digne de travers. Ça veut dire que si sa primature, sa tétra est restée en tête, il va détester les idoles, détester l'adoration des autres idoles, le cœur. Il va haïr ça, ça va lui retenir, parce que sa tétra est encore calme. D'accord ? Donc, on est musulman. Après, l'éducation, la société, la télé, la vidéo, etc., etc., ça impacte sa tétra, ça impacte cette primature, et après, bon, tu cherches la vérité, tu te repens. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes. Tu retournes vers Allah. Tu retournes vers ta tétrage. Et c'est pour ça qu'Allah a dit « وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُونَ » Revenez en repentir vers votre Seigneur et soyez soumis à lui. Dans le hadith, parce que le tétrage, une provocation dans le hadith, le premier hadith de Bukhari, le muslim, nous venons et nous, selon la tétra, qui sont ses parents, qui ont fait un vie chrétien en âge, tétra, c'est ce qui parle de hadith, qui est dans un autre hadith à faire, c'est où Allah s'en a dit, j'ai prié le serviteur en famille. Voilà, il explique, voilà. Il explique ce que ça veut dire, c'est tétra, c'est primature, c'est famille. Et on explique hadith, ça veut dire droit de profil, et ça fait deviner de la situation. La personne est une médecin. Ça s'explique. Donc la tétra El Khamisiyya, il est né musulman comme on l'a dit, et on va passer à l'état sacré, on va passer à l'autre adoration, on dit à nouveau une adoration, repentir, revenir à Allah, c'est une adoration d'Allah, et Allah il se réjouit du repentir de son serviteur vers lui. Ça veut dire qu'Allah il l'aime, donc le fait qu'il aime qu'on revienne à lui. Donc il faut de repentir ce qu'il adora. Et ce qu'on a là, il a parlé maintenant de l'Isti'ana. L'Isti'ana, vous avez vu l'Isti'ana, la supplication de l'aide d'Allah, l'évidence de la supplication que tu mentionnais par Allah dans le Saint-Coran. C'est toi celle que nous adorons et c'est toi celle que nous implorons aide. Donc, demander de l'aide, chercher de l'aide auprès d'Allah, c'est une adoration. Il a donné la preuve dans ce sens, une fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul que nous demandons aide. Et non pas demandons secours comme ce qui est dit dans beaucoup de traductions. D'accord, ne fais pas entre parenthèses. Quand ils traduisent nasta'in par pour ce secours, pour implorer le secours, et pour l'Aïna, on dit l'Aïna, l'Aïna ça veut dire aider. Donc demander de l'aide de la travail, chercher de l'aide. C'est là que nous implorons aide. Donc le serviteur doit avoir la conviction qu'il ne peut accomplir ses adorations que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'aide d'Allah, on ne fait rien faire. Sans l'aide d'Allah, si Allah ne nous a pas donné la force pour le prier, pour l'adorer, ou pour le jihad dans son sentier, il ne peut pas le faire. Si Allah ne nous a pas donné dans notre cœur ce qui fait que tout ça donne un cœur, on ne va pas donner un cœur. On ne va pas avoir ce cœur. C'est bien fait. Ou la langue pour le remercier. Tiens, la langue pour le remercier. Il faut qu'on dise de bien fait. Et il faut d'aller remercier. Il t'a donné un an pour le remercier. Amen. Donc, il faut demander toujours de l'aide d'Allah. Amen. Donc, on doit avoir la conviction que la hayla wa la hayata illa billah. Il n'y a pas de force et de puissance et de force que par Allah. Il n'y a de force et de puissance. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Amen. Donc on doit demander de l'aide dans le travail. Donc on doit demander de l'aide dans le travail Donc, si tu le demandes à quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est atteint, ou un jour, c'est du cœur. C'est la situation. Quand la personne invoque la fin d'une pleure, et ceci contre la fin d'une douleur, et de moi, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver du travail, etc. Aide-moi, etc. C'est quelqu'un qui est vivant, mais il est atteint. Il est... La personne, il est à Paris, il est toujours au Pakistan. Il va le aide-moi, et tout, à Versus, je porte dans l'adoration, et tout, à Versus, etc. Donc, demandez, ou dans le dîme aussi, il va juste demander de l'aide dans le dîme, pour prévoir l'avenir, comprendre le sortir. Il demande de l'aide de Dieu pour qu'il ramène la parole du ciel et qu'il lui demande de l'aide pour ça, pour être aussi dans ce genre de choses. Il y a une aide qui est autorisée, c'est-à-dire demander à quelqu'un qui est vivant, et présent, qui lui demande de l'aide. Ça, c'est autorisé. Et même que, de quoi c'est obligé. Et de quoi c'est obligé que la personne t'aide. Et c'est obligé de quoi que tu aides la personne. De quoi ça devient une obligation, de quoi que c'est souhaitable, et de quoi ça devient obligation. D'accord? Et quand c'est dans la bonne voie, ça peut devenir une obligation, parce qu'on est à l'école, il faut faire un de nous, à l'algérie et à l'école. Entrez-vous dans l'accomplissement de bonnes choses et de la piété. Donc là, c'est bien de s'entraider que la personne demande à son frère de l'aider. D'accord? Et l'aide, si la personne le fait et qu'il est dans la désobéissance d'Allah, cette aide ne peut pas être l'effet et inquiété. C'est interdit d'aider quelqu'un dans la désobéissance d'Allah. L'aider pour voler ou l'aider pour trahir certaines personnes, il est dans la désobéissance d'Allah, il est encore. Allah dit, « Wa la ta'ayani » la suite de ce verset qui se trouve dans la Maïda, « Wa la ta'ayani ala l'ithmi wa l'udwan » et nous vivons près de ça dans le péché et dans la transgression. Dans la Maïda. Et la surat 5, c'est le deuxième verset. Le deuxième verset. Donc ça, c'est le deuxième point de demande de l'aide. Et demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas, à qui il y a un grand pardon, ça, c'est notre bonheur. Ça, c'est notre bonheur. Demander à quelqu'un qui est faible pour t'aider à qui il y a un grand pardon, c'est faire de la plaisanterie à notre bonheur. Donc, c'est dans le bon verbe, c'est bien. Ça rapproche vers la fin de la parole. Là aussi, oui, il y a, alors, demander de l'aide d'Allah dans ce que seul Allah peut faire, c'est pas l'adoration, demander de l'aide d'Allah dans toutes les choses, demander à quelqu'un, de l'aide, alors qu'il est absent ou amour, etc., c'est sûr, demander de l'aide dans l'obéissance d'Allah, c'est, qui est pas bizarre, une obligation, demander de l'aide à quelqu'un dans la désobéissance, ou aider quelqu'un dans la désobéissance d'Allah, ça c'est répréhensible. Et il y a autre chose, c'est chercher de l'aide, parce que dans Iskia'ana, il y a demander de l'aide et chercher de l'aide. Demander de l'aide et aider, chercher de l'aide par les bonnes actions. Par les bonnes actions. Ya ayyuha alladhina amanu, ta'inu bi sabri wa salat. Et vous qui croyez, cherchez l'aide dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc, on cherche l'aide par la salat. On veut se rapprocher de l'aide. Mais on utilise le moyen pour se rapprocher. La salade, la patience, pour se rapprocher, mais c'est un cercle de l'aide, ça c'est l'adoration. Comme elle a dit, elle l'a fait en bien sûr, Et les croyants cherchent l'aide dans l'endurance et la salade, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et il dit, vous qui croyez, craignez Allah, et surtout, la yassoula vers lui est lutté pour sa cause. Ya ayyuha alladhina amanu, taqullaha yabtaghu ilayhi alwasila. Donc, chercher la yassoula, ça veut dire chercher la voie, et chercher le moyen qui vous rapproche le plus d'Allah à travers les bonnes œuvres et la patience, l'endurance. Comme a dit le Hadith al-Asqalani, yassoula, c'est le kharda. le fait de se rapprocher de lui par les bonnes œuvres. D'accord ? On n'a pas la Yachiva, c'est pour autant d'autres personnes qui ont le vote que vous avez dit, oh, vous qui soyez connu à Allah, et cherchez la Yachiva. Entre parenthèses, le moyen de lui éduquer ce qu'il fait, il dit je cherche la Yachiva, ça veut dire que j'invoque l'autre du second, je vois ce truc-là, et je l'invoque, et constitue mon interprétateur, pense à un moyen, parce que là, il nous a demandé dans le Coran de chercher le moyen. Mais la Yachiva, le moyen dans ce verset-là, ça veut dire le bon verset. C'est la procédure de lui, des bons hommes, comme il dit dans le Coran. Donc, c'est cela. خليل الله الذين زعمتم من دونه لا يملكون كف الضر عنكم ولا تحويلا دي انجو كي سوكي دي تريكان دي اوك دي ديزنيتي و دي انجو كي دون كي سوكي اوك الله دي تكوزي دي تكوزي ان كتا دي سوكي دي ديكيتي كي دي تدي مال كي دي لدي تلاسي كي دي انجو كي لي انجو كي سوزان لا كي سوكان كتابل de vous discuter à mal ou de vous déplacer. Si ceux qui viennent ça veut dire ce dernier-là, ceux qui viennent d'être, à nous le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. C'est la Yachiva vers Allah. Il veut tout son miséricorde et prendre son sentiment, le sentiment de son Seigneur est vraiment redouté. Dans ce verset-là, Allah dit invoquer dans ce. C'est ce que vous avez pris comme divinité. Parce que celui-là que vous invoquez, là, c'est un verset qui parle des gens vertueux, des gens qui adorent les grands imams, les grands savants. Alors il dit, ces gens-là que vous adorez, ces gens-là, eux-mêmes, ils cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah, et ils prennent Allah, ils prennent, ils espèrent comme ils ont fait, ils prennent son sentiment. Eux-mêmes, ils sont entre la crainte et l'espoir. Ils ne garantissent rien pour eux-mêmes. Alors pourquoi vous les invoquez? Parce que c'est la même que vous invoquez sur cela aussi. D'accord? J'ai évoqué volontairement ces deux versets-là parce que de fait, Dieu, qu'Allah a dévoué leur cœur, il utilise son argument, son cœur, il est autorisé de se tuer contre le canot, le pied ou la barre du corps pour se tuer contre le temple, parce que ça, c'est un moyen, c'est aussi là. Qui rapproche d'Allah. Donc, le verset, lui-même, il le contredit. Voilà, le prédicateur du discours, ceux qui propagent beaucoup, quand ils donnent un argument dans le Coran, on répond par leur propre argument. C'est-à-dire que c'est leur propre argument, ils se retournent contre eux. Parce que la Yachiva, elle est venue à l'Instaqallah, et par la Yachiva, on veut qu'il leur écrit, venez Allah, et cherchez la Yachiva, cherchez le moyen de se rapprocher de lui, le moyen. C'est les bonnes œuvres et l'endurance. Et de l'autre verset, c'est la même, ils invoquent, c'est la même, ils cherchent le monde pour approcher d'Allah par les bonnes œuvres, entre l'espoir et la crainte, parce qu'à la fin du, ils essaient comme ils ont été, et prennent son sentiment. Le sentiment de son Seigneur est vraiment redouté. Maintenant, dans le Bukhari, Ibn Mas'ud, il a parlé de ce verset-là, il a dit que, des gens parmi les êtres humains ont invoqué les djinns. Ils ont invoqué les djinns. Ils croient que les djinns ont un certain pouvoir, ils peuvent leur amener, leur profiter, leur déplacer ce qui est nuisible. Et les invoquer. Et ce djinn-là, ce diable-là, ce djinn, ils sont convoqués en islam. Ils sont rentrés en islam, ce djinn-là. Et les autres, les humains, les enchantés, ils insistaient dans leur invocation. Ils les invoquaient davantage encore. Vous avez compris? Les dieux sont rentrés en islam, sont devenus musulmans, et deux avis de ces gens-là qui les invoquaient. Et ces humains-là n'ont pas ouvert leur cœur à l'islam, et ils insistaient dans l'invocation de ces humains. C'est ça la chose qui a été révélée ces versets-là. D'accord? Subhanakallah, bihamdik, sallallahu alayhi wa sallam. استغفرك واتوب اليك